Ça fait toujours rêver les voyages par terre, air ou mer. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlina Voyage. Vous avez raison. Avec Arlina, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlina Voyage. Bien sûr, Arlina Voyage, 116 Faubourg Bonny à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Arc-en-ciel, bonjour, il était exactement 9h passé de 2 minutes, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. J'espère que vous allez bien et nous sommes le lundi 18 octobre. Nous allons retrouver Francky, hein. Francky dès demain, dès 7h du mat. Francky, je te souhaite une bonne journée, un gros bisou. Et puis, va te reposer un petit peu, il est un peu fatigué quand même. Allez, il a une vie, qu'est-ce que vous voulez, il a une vie trépidante ce Francky. Voilà, mais en tout cas on le retrouve dès demain à partir de 7h du mat. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, je vous le disais. Au programme de cette émission, eh bien, vos dédicaces au 02 38 43 48 00. 02 38 43 48 00. Et puis vous pouvez également faire vos dédicaces sur Facebook en tapotant JP Martins et vous demandez la chanson que vous souhaitez entendre. Je vous rappelle que cette émission est la voix de Sissi. Donc voilà. Et puis on va démarrer tout de suite, oui, avec José Mello qui va nous interpréter au Carimbo du José Mello. C'est parti, c'est maintenant et c'est sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Oh, Sylvie sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec Kevin qui va nous interpréter Sou Portugais. 9h09, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin et ça se passe uniquement sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português, até morrer. As festas e romarias que nos enchem os corações. Portugal és tão bonito, tua paisagem sem igual. Beleza das tuas terras, não há como Portugal. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português. Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda bem, oh, rosa redonda saia, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda, a saia que fique bem redondinha. Hey!

beijo foi tão ardente naquela linda igreja em Portugal. Nunca tinha visto tanta gente e todos estão presentes para nos ver casar. Ai, amor, essa minha vida, desde aquele dia em que me entreguei a ti. Ai, amor, és a minha luz, és tu que me conduz no meu destino até ao fim. A

dans un petit medley sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Tiens, je vais dédier cette chanson à Seb, voilà, qui doit être à l'écoute sur ses chantiers. On poursuit avec Tony Carrera, Adieu, je t'en dis. Devo obedecer ao coração. É tão difícil resistir a uma paixão. O olhar penetrante que me cativou mostrou-me o caminho para onde vou. Não te conheço, mas não consigo resistir. Vou e não penso no que vem a seguir. Enfeitiçado, sem saber se és infiel, sigo a teu lado para o quarto do motel. Quero apertar, sentir, juntar até fundir. Tu e eu, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, juntar. duas velhas paixões. Consigo entender essas desilusões. Procuras o caminho errado para esquecer alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas de paixão. Sinto-me usado, mas não desisto de mudar esse meu lado que desistiu de amar. Quero apertar, sentir, juntar até fundir tu e eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, juntar até fundir tu e eu. Ai, ai, ai. Viver não é só mais uma conquista. Publica no teu Insta esta felicidade, que encontrar a verdade, sentir os batimentos, felizes os momentos que apagam a saudade, que apagam a saudade. Quero apertar, sentir, juntar até fundir tu e eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quero apertar, sentir, juntar até. Entrei na tua nave pra poder voar. Senti que o coração. Zafira qui nous interprète Quando Danso Contigo. Allez, on va parler un petit peu. Oui, c'était un peu calme ce matin. Mais si vous voulez, il y a des lundis matins comme ça où je parle moins. Et puis beaucoup au téléphone. Moins à l'antenne, mais beaucoup au téléphone. Voilà, donc on va faire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a une offre d'emploi. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire proposé est de 2500 euros net par mois avec un CDI à la clé et une période d'essai. C'est de 2 mois. Il y a également à vendre un appartement de 30 mètres carrés environ, situé à Saint-Jean-le-Blanc, dans une résidence privée. Il est situé au premier étage. Aucun travaux à prévoir. Chaudière neuve, salle de bain refaite neuve et petite charge trimestrielle. Donc, si cette annonce vous intéresse, 02 38 43 48 00. À vendre, mobilette Peugeot Vogue 7683 km. Très, très bien entretenue. Elle est de 2009 et le prix est de 400 euros. Et puis, il y a à vendre une voiture, une Volkswagen Tiguan de 2017, 190 chevaux airline, toute option, 64 000 km, couleur blanc, et le prix 28 000 euros. L'offre d'emploi ou l'une de ces annonces vous intéresse, 02 38 43 48 00. Et nous allons poursuivre avec Diapason, Lagrima. Deixaria matar. ancora una lacrima tua che al dia mi desci di metà. Diapason sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Lagrima. On va poursuivre avec Capanegra qui va nous interpréter Simple à Bombal. Gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta começar a mexer com as mãos no ar. Vão gostar da nova dança, todos vão cantar esta canção. Vamos começar neste balanço, ninguém vai parar neste bailão. Hoje vai haver festa até o amanhecer. Agora só nos resta Capanegra sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Simple à Bombal. On va poursuivre avec Georges Freyre. Palabinche, palabinche. Et c'est demandé de la part de Jérôme pour sa maman qui fête son anniversaire aujourd'hui avec de gros bisous. Je vais me joindre à Jérôme donc pour souhaiter un anniversaire, un joyeux anniversaire à sa maman qui est aujourd'hui d'ailleurs. Donc, joyeux anniversaire. Et puis, on va écouter donc, palabinche, palabinche, Georges Freyre. Mais um aninho se passou na tua vida. Mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida. Pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade. E que esta data seja muito repetida. Com alegria e muita felicidade. Com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, nesta data tão querida. esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Na caminhada no teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho que era, junto aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre parabéns, parabéns, Georges Freire sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et c'était demandé de la part de Jérôme pour sa maman qui fête son anniversaire aujourd'hui même avec de gros bisous. Rod, Rod, à Cap Signe, H. Bomboc sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Gente a bailar. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho certeza que vais gostar. Eu quero ouvir em baixo o grito. Olé, olá. Repete mais uma vez comigo. Olé. Eu quero ouvir em baixo o grito. Gente a sorrir. Se tu quiseres, vem comigo agora. Tenho a certeza que vais curtir. Eu quero ouvir embaixo um grito. sont belles, elles sont charmantes, âge bon bocage, roda roda à Cab Signe. On va poursuivre avec Tony Carrera et Vélissé Lotterlado. Et juste avant, il faut écouter ça. Após 4 anos de ausência, Tony Carrera regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith, d'Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Et nous allons poursuivre donc avec Tony Carrera et Vélissé Lotterlado. Il s'est demandé de la part de Joachim pour sa femme Elisabeth qu'il aime très très fort. Na alegria, nas horas de tua mão, convidar-te para dançar, dançar entre a multidão. O teu corpo colado, mão dele na cintura. Passito, passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. Tu és o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Tabunito avec Danito sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Je me répète, voilà. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'âge. Il est 10h19, Jean-Pierre avec vous jusqu'à midi, c'est vers matin. Vos dédicaces au 02 38 43 48 00. Et dans quelques instants, nous reviendrons sur les petites annonces. Sachez qu'il y a à vendre une fenêtre. C'est une petite annonce qui vient d'arriver au standard de Radio Arc-en-Ciel. Il y a à vendre une fenêtre en PVC dimension 1050 par 1120. Le prix 300 euros à débattre. Si cette petite annonce vous intéresse, un seul numéro, 02 38 43 48 00. Et je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées en antenne. Et je vous le rappelle, hein, si vous achetez, vous jouez, vous recherchez, eh bien, tous les lundis matin, vos petites annonces, c'est gratuit. Et profitez-en. Voilà, donc Radio Arc-en-Ciel, enfin l'émission vers matin via les ondes de Radio Arc-en-Ciel se met à votre service. Voilà, pour vous aider à vendre, à rechercher, à acheter, à louer, pourquoi pas. Et puis voilà, par exemple, hein, nous avons une entreprise de maçonnerie qui a déjà trouvé un manœuvre, un aide-maçon, pardon. Et puis, cette entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Et le salaire, 2500 euros net par mois avec un CDI à la clé et une période d'essai de 2 mois. Nous allons poursuivre avec Farouk sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et c'est demandé de la part de Nelson pour Christophe Vieira, pour Frédéric Lourenço et Fabrice qui se met enfin au boulot. Et bisous à tout ce petit monde. Voilà, bisous à Nelson et on va écouter Farouko sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et Fabrice, allez, on passe à deuxième. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, todo el mundo es para Farouco sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et c'était demandé de la part de Nelson pour Christopher Vieira, pour Frédéric Laurenceau, pour Fabrice qui se met au boulot et un petit bisou à tout le monde au passage. Voilà, bisous Nelson et bonne journée à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. 10h25, on refait un petit saut du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a à vendre une voiture, une Volkswagen Tiguan, elle est de 2017, 190 chevaux airline, toute option, 64 000 km, elle est de couleur blanche. Et le prix, 28 000 euros. Il y a à vendre une mobilette Peugeot Vogue, 7 683 km, très bien entretenue, elle est de 2009, le prix 400 euros à débattre. Une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement, le salaire 2 500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Il y a à vendre une fenêtre en PVC dimension 1050 par 1100 120, le prix 300 euros à débattre. Et puis à vendre un appartement de 30 mètres carrés environ, situé à Saint-Jean-le-Blanc, dans une résidence privée. Il est situé au premier étage, aucun travaux à prévoir, chaudière neuve, salle de bain refaite à neuf et petite charge trimestrielle. Voilà, vous êtes sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Jean-Pierre avec vous et on va écouter maintenant Asda Concertine et c'est Uma Cana Verde. On va poursuivre avec une version de Laisse-moi t'aimer. Alors il y avait la version Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt que tout le monde connaît, et puis il y a la version de Laisse-moi t'aimer d'Arina Victri. Pardon, d'Arina Victri. Laisse-moi t'aimer. C'est Géraldine qui souhaite écouter cette chanson. Alors on va l'écouter avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi chanter devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que était évocateur, hein, j'aurais cru vraiment que c'était voilà une version un peu rythmée zouk de Mike Brandt, mais non, elle est très belle version. Laisse-moi t'aimer, donc d'Arina Victri sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. On va poursuivre avec un artiste, un chanteur qui sera là le 6 novembre avec Radio Arc-en-Ciel à la salle Montissier à Saint-Jean-de-Blanc. Nelson Koch, t'aime au Saint-Antonio, et non, là il va nous chanter. Qu'est-ce qu'il va nous chanter, Nelson? Nelson, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Kumerakil? Attends, vamos lá comer. Anda.

Et on va poursuivre avec Tony Carrera sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel qui lui sera au Zénith d'Orléans le 21 janvier 2022. Voilà, je l'ai bien dit, le 21 janvier 2022, il sera au Zénith d'Orléans et il va nous interpréter « Amal, aimé jusqu'à l'impossible » en duo avec David Gattegno. Et c'est demandé de la part de Manuela pour Nicole Diaz, Isabelle, Rosie, Carla, Eline, sans oublier Gloria et l'animateur avec de gros bisous. Merci. Bisous à vous et on écoute Monsieur Tony Carrera. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Elle m'avait promis les toujours. claro que vem ser português. Neste país, orgulho em ser português. Do Minho ao Algarve, aos Açores e à Madeira, imigrantes, comunidade, ergue-se a mesma bandeira. Um povo feliz, canto eu e canto a vocês. Nasci neste país, orgulho em ser português. A Cláudia Martins e Minhotos Marotos, orgulho em ser português. On va poursuivre avec Patrick Fiori qui va nous interpréter un air de famille. Il s'est demandé de la part de leur fille Mélodie pour ses parents qu'elle aime très fort, ainsi que pour ses deux frères Romain et Jérôme. Donc on écoute Patrick Fiori, un air de famille. Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là, dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras, pour un oui, pour un non, tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras, pour venir avec moi. On a tous besoin de savoir da-ba-da-ba-da, que l'on est chez soi quelque part. Pagan.

animateur et puis pour elle-même. Voilà, avec un gros bisou. Je vous embrasse, mesdames, très très fort et merci de votre fidélité à cette émission. On va écouter Philippe Martins sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. este som, vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Este som vou-te tirar o batom. Ai vou, ai vou, ai vou. Vamos dançar colados para curtir bem este som. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para, para. Bere, bere, bere, bere. Bora! Medley, bara bara bere bere, danse comigo, vou te tirar o bâton. Et nous allons poursuivre, voilà, avec Songe do Minho, juntos, et en despedido da parte de Miguel, para a família e amigos, para a Catarina, e o animador e os ouvintes da rádio. Songe do Minho, juntos. Um grande abraço, Miguel. Vamos balançar, com sons do Minho a festa vai começar. De braços no ar, vamos balançar, com sons do Minho a festa vai começar. A festa vai começar, amanhã é novo dia. A gente canta e dança, amigos, mulheres e pares, já se sente a alegria. A gente canta e dança, vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui. Vem cantar, vem dançar, a gente espera por ti. Juntos de braços no ar, vamos balançar. A gente canta e dança, vem cantar, vem dançar, hoje a festa é aqui. Vem cantar, vem dançar, a

da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Quem é solteiro não tem. Juntar a nós as amigas, trocar palavras bandidas, mas o passado lá vai. Já não para a procura, começa a nossa loucura, brindamos uma atração. Lançar a mesma batida e de cabeça perdida, eu canto esta canção. Nem canto cedo, nem compromisso, mas esta noite vou fazer na Xana. Nesta estrada e sempre te amar, minha Xaninha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria, eras tudo o que eu sonhava, para sempre serás a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. No dia em que tu nasceste, do amor de tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa Xana. Sylvie et Mike Vega et Xana sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Avant de poursuivre en musique, on refait un petit saut du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a à vendre une Volkswagen Tiguan de 2017, 190 chevaux airline, toute option 64 000 km. Elle est de couleur blanche et 28 000 euros, c'est le prix proposé pour cette voiture. Il y a à vendre une mobilette Peugeot Vogue 7 683 km en très bien entretenu, année 2009, le prix 400 euros à débattre. Du côté de Saint-Jean-de-Blanc, à vendre un appartement de 30 mètres carrés environ dans une résidence privée au premier étage, aucun travaux à prévoir, chaudière neuve, salle de bain refaite à neuf et petite charge trimestrielle. Et puis il y a également à vendre une fenêtre en PVC dimension 1050 par 1120, le prix 300 euros à débattre. Et du côté des offres d'emploi, une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. L'une de ces petites annonces vous intéresse? Eh bien, un seul numéro, 02 38 43 48 00. Je me ferai un plaisir de vous donner les coordonnées en antenne. C'est également le même numéro qu'il faut composer pour vos dédicaces. Et puis, nous, on va poursuivre avec Oujne, Manouche sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, Dansa da Kalumba. essentiel 96.2. La FM en couleur. À tous ceux qu'on aime, il faut effectivement, il a raison, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'on est vivant. Et moi, c'est ce que je dis, je t'aime à toute ma garde rapprochée. Voilà, ils se reconnaissent tous. On va poursuivre avec Hugh Manuel Touège, Amina Locura. Et c'est demandé de la part de Manuela pour Nicole Diaz, Rosie, Isabelle, Carla, Eline, sans oublier Gloria et l'animateur avec de gros bisous. Gloria, d'ailleurs, que vous retrouvez tous les mercredis de 14h à 16h dans son émission à Musica de Gloria. Sachez que du lundi au vendredi, hein, vous retrouvez Francky au réveil. Demain, ce sera Ajmanianche Romantique avec Lionel. Ensuite, mercredi, Portugal en Fest avec Victor. Jeudi, Voz de Portugal avec Ergemiro. Vendredi, Finsman à Porte avec Lourenceau. Et puis, bien entendu, le samedi, un Portugal nous connaissons avec Christine, pause musicale avec Sylvia, Janelle Albert avec Carla, et le dimanche, Quintard do Galo avec Antonio et Mathieu, et le téléphone sonne avec l'équipe du matin, du dimanche matin, Lionel, Katia et Jérôme. Voilà. Et nous allons donc continuer en musique avec Hugh Manuel, tu es Jamiel Okula. Tu es la minha loucura, és o meu desejo, o meu sonho é carinho. E um dia eu irei contigo juntos ver o sol e o mar. Hoje não escondo o meu sentimento, tudo o que sinto cá dentro é chama de tanto te amar. Caminho, diz-me que não vou sozinho. Sentes o mesmo, não estou a sonhar. Tu és a minha loucura, és o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Tu és a minha loucura. Sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. Eu e tu nesse caminho, diz-me que não vou sozinho. Sentes o mesmo, não estou a sonhar. Tu és a minha loucura, és o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Tu és a minha loucura, sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. És o meu desejo, o meu respirar. Seria uma aventura sentir o teu beijo, trocando o olhar. Tu és a minha loucura, sem ti não existo, sem teu respirar. Seria uma aventura, mesmo na distância, poder te amar. Quero te amar. Adeus, meu pai, que eu já vou. Adeus, que já vou-me embora. fazer. Dei-lhe duas seguidas e a sanca passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanca passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas. Benditas rosas que salvaram. Passar com uma flor dada por mim, então colhi uma rosa encarnada. Logo lhe dei, mas ela nem quis saber. Disse-lhe até que só uma não chegava. Precisa mais que desculpar e esquecer. Eu, por amor, voltei lá para o jardim, colhi outra e assim fiz o que tinha que fazer. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas. Benditas rosas que salvaram nosso amor. E a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas. Bem-vindas rosas que salvaram nosso amor. José Malhou, duas rosas. On va poursuivre avec Ricardo Nunes, sou português. Sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Nascido e criado em terras de Camões, amo o nosso fado, bombinho, as tradições. Como um português, sou conquistador. Nas minhas batalhas sempre fui um vencedor. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh, oh. Eu sou português. Tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Leva a nossa tradição. Sou português, digo com o coração. Fico feliz por poder dizer que Portugal foi quem me viu nascer. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh. E se tu és português, grita comigo. Oh, oh, oh. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. português. Tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Eu sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal. Et nous allons refaire un petit tour du côté des petites annonces. Sachez qu'il y a à vendre un Volkswagen Tiguan de 2017, 190 chevaux airline, toute option, 64 000 km, de couleur blanc, le prix 28 000 euros. À vendre une mobilette Peugeot Vogue 7 683 km, très bien entretenue, année 2009, le prix 400 euros à débattre. Nous allons partir du côté de Saint-Jean-de-Blanc, où l'on vous propose un appartement de 30 mètres carrés environ, dans une résidence privée au premier étage. Aucun travaux à prévoir, chaudière neuve, salle de bain refaite à neuf et petite charge trimestrielle. À vendre une fenêtre en PVC dans les dimensions 1050 par 1120, le prix 300 euros à débattre. Et une entreprise de maçonnerie recherche un maçon qualifié dans le pavillon essentiellement. Le salaire 2500 euros net par mois avec un CDI et une période d'essai de 2 mois. Voilà pour les petites infos. Je vous rappelle également, je vous rappelle également que le consulat honoraire du Portugal à Orléans a changé son numéro de téléphone. Que désormais il faudra composer le 02 38 62 68 86 02 38 62 68 86. Je vous informe également que le samedi 24, le 24 octobre, eh bien, le salon du disque et le salon du disque manga et BD à Orléans, c'est au chapiteau le 24 octobre 2021. C'est le dimanche dimanche 24 octobre de 9h30 à 17h30 et donc le pass sanitaire est obligatoire. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous embrasse très très fort. Merci également pour vos petits messages tous les lundis qui font toujours plaisir à entendre et ces échanges. Voilà que l'on peut avoir. Sans vous, on n'est rien, il n'y a pas d'animateur. Voilà. S'il n'y a pas des auditeurs qui appellent et qui écoutent, eh ben, il n'y a pas d'animateur tout simplement. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts et surtout, prenez soin de vous. Voilà, je vous aime fort. À la semaine prochaine. Bye bye. Gros bisous. É só nossa. Quero ter tão meu lado. Arc-en-ciel illimité en France, 11 heures au Portugal. Bon appétit. Bom dia, 11 horas em Portugal continental e na Madeira, 10 nos Açores. Síntese de notícias com